Chapitre 3. La femme fatale. Il est grand temps, se disait Jim Joy, assis à une table au restaurant du Ritz, il est grand temps que l'action commence. Deux chapitres, en somme, se sont écoulés rien qu'en conversation. C'est trop long. Dans tout roman qui se respecte, l'entrée en matière ne prend qu'un seul chapitre, et dans le deuxième, il y a déjà un meurtre. Attention, le lecteur commence à s'embêter. De l'action, des phrases courtes, des faits, des événements accélérando, un as... Le regard de Jim, qui semblait chercher un assassinat à l'horizon, s'arrêta net. Wentworth venait d'entrer avec une femme à son bras. Une femme en robe du soir tango, avec une traîne léchant le parquet comme une langue de feu, et sur l'épaule un chrysanthème d'or flamboyant. Une femme aux cheveux noirs, aux gants noirs, aux flèches noires des sourcils tracés à la pointe du crayon sur un front pâle. Un incendie dans la nuit. Rien dans cette mondaine demi-nue, embrasée par le phare, pétillante d'insolence et de chic, ne semblait rappeler la jeune fille candide du temps de la reine Victoria. Cependant, Jim, magnétisé par un quelque chose d'inexplicable, se brûlait à elle du regard. Wentworth, en l'apercevant, lui jeta un regard amusé et s'installa bruyamment à la table voisine. « Ici, ma chère Edith, c'est un endroit sûr. » Et il cligna théâtralement de l'œil à Jim, sans toutefois faire mine de le reconnaître officiellement. Mais le jeune homme ne voyait pas Wentworth. Son cœur, empoigné par des tenailles glacées, s'était presque arrêté de battre. Collectionneur, recherche, détective, roman n'existaient plus. Il se taxait lui-même d'inexprimable fou. Mais lorsque la jeune femme, en face de lui, posa la cape qu'elle tenait enroulée à son bras sur le dos d'une chaise, il souffla imperceptiblement. Mais... Elle tressaillit violemment, et ses yeux clairs, oui, ils étaient clairs, clair et candide sous les flèches des sourcils noirs tracés au crayon, s'ouvrirent un instant au-devant des siens. Comme Jim le connaissait, ce regard étonné. « Edith, mon enfant, laissez-moi donc vous débarrasser. Quel ours que ce vieil ami de votre papa, hein ?»« Papa m'a prévenu que vous manquiez de galanterie, mais il m'a dit que vous aviez en revanche d'autres qualités. » Jim serra les mâchoires pour ne pas crier. Cette voix au timbre fragile, au petit accent américain à demi effacé. Pendant que Wentworth commandait le dîner au maître d'hôtel respectueux et qu'Edith Fairfax, étudiant le menu qu'elle tenait négligemment entre ses doigts aux ongles rougissants, donnait des ordres capricieux, le jeune homme avait cessé d'exister pour elle, Jim respira profondément. Quand il eut successivement utilisé toutes les méthodes connues pour se remettre après un swing, il se versa un whisky and soda et son cerveau s'éclaircit. « Raisonnons, se dit Jim. Je rencontre au Ritz, en compagnie d'un membre richissime de mon club, une sienne amie qui a une ressemblance étrange avec May Smith, ma belle-sœur. Je murmure involontairement « mais » elle tressaille, me jette un regard et se détourne. J'ai le sentiment idiot et inexplicable qu'elle est May en personne, la femme légitime de mon demi-frère Jonathan Smith, chef constable de Guildford. Cela, selon toute évidence humaine, est impossible. » Ici, Jim s'arrêta et rectifia. Dans les romans d'aventure, rien n'est impossible. Nouvelle pause méditative. « Des faits, » se dit froidement Jim. « Pas de raisonnement, rien que des faits. » Il se leva, traversa le restaurant, gagna la cabine téléphonique, demanda Guildford. « Allô, Jonathan, je voudrais parler à May. »« Déjà couché ? Passez-lui le récepteur quand même. Il faut que je lui parle. »« Bon, j'attends. »« C'est vous, May ? Bonsoir, comment allez-vous ? Non, rien de neuf. Ah si, quand même. Je vous informe que j'ai rencontré la femme fatale. » « Bonne nuit, May. Dormez bien. » Jim raccrocha le récepteur, regagna sa place à la table voisine de Wentworth, commanda un mutton chop et se mit à examiner tranquillement, par-dessus le dos large et la tête grisonnante de Wentworth, son vis-à-vis flamboyant. « Continuons de raisonner, se dit-il. En quoi se manifeste la ressemblance ? Taille, silhouette, je crois que cette Miss Fairfax est un peu plus grande et plus mince que May. Mais la toilette change tellement les femmes. Non, ce n'est pas une question de silhouette. Cheveux, traits, visage. May 1. Cheveux blonds cendrés, longs. May 2. Cheveux noirs, comme ailes de corbeau, courts. May 1. Douce, discrète, effacée. May 2. Impérieuse, mondaine, voyante. Toute la ressemblance se réduit à quelque chose d'insaisissable dans le regard, la voix, le geste. Ce quelque chose... Jim se prit à mâcher automatiquement le mutton chop apporté par le garçon. Les voix de ses deux voisins, qui parlaient de leur Illinois natal, lui parvenaient vaguement. Ce quelque chose représente-t-il un caprice de la nature, une vague parenté physique, ou est-il l'expression d'une affinité intérieure ? May 2, sous ses dehors frivoles, aurait-elle l'âme ingénue et douce de May 1 ? Dans ce cas, il est à craindre que James Joy, esquire, auteur de romans sensationnels, Le mystère de Farnborough, Le sang sur les dalles et Le rapide Paris-Nice, 5 éditions, là d'être épris en secret sans espoir, ne tombe amoureux d'une Miss Edith Fairfax, dite May 2. Après avoir copieusement arrosé sa dernière supposition de whisky, Jim continua son colloque intérieur. Selon toute évidence, Miss Edith Fairfax est riche, très riche. Monsieur James Joy, lui, n'a que les revenus de ses livres. Mais n'oublions pas que nous sommes au troisième chapitre de son quatrième roman et que tout est possible. Les malfaiteurs enlèvent Phineas Wentworth et avec lui Miss Fairfax. Captivité, désespoir, péril de mort. Jim Joy dépiste les bandits, sauve les captifs, emporte dans ses bras la jeune prisonnière évanouie. Miss Fairfax, qui cache sans aucun doute un cœur d'ange sous sa robe un peu trop décolletée, laisse tomber sa tête sur l'épaule de son sauveur et... « Non, non, cher vieil ami, ne craignez rien, je ne suis pas sentimentale. » Jim, tressaillant, regarda la bouche rouge à l'arc de Vénus, soigneusement dessiné par le lipstick, qui laissait échapper ses mots avec un rire perçant, et ajouta, en guise, le post-scriptum à son monologue mental, « Autre alternative, deuxième amour, sans espoir. » Mais non, on est si bête que dans les romans psychologiques. Dans les romans d'aventure, le héros doit se marier à la fin. L'amour malheureux ne mène qu'à l'introspection. L'amour heureux au mariage. Mon héros, c'est-à-dire moi, doit nécessairement épouser une des deux mais. Mais laquelle ? Mais un exclut donc mais deux. Et si elle n'est pas sentimentale, elle le deviendra. Et Jim, son raisonnement conclu, écouta de toutes ses oreilles le dialogue de ses voisins. Il apprit, par des bribes qu'il agença dans son esprit, que Miss Fairfax avait été élevée en Europe. Il y a 4 ans, elle était allée à New York, juste au moment où Wentworth voyageait dans l'Ancien Monde, pour s'occuper de sa succursale de Londres. Après s'être manqué ainsi pendant 20 ans, dans un continuel chassé-croisé Europe-Amérique, il se retrouvait enfin. « Je vous emmène au théâtre, Edith. Il y a une pièce fameuse qui... »« Impossible, chère. Une autre fois, j'ai promis à une amie de pension d'aller la voir dès mon arrivée à Londres. Elle serait mortellement offensée si je manquais de parole. »« Vous passez en premier, mais il faut que je ménage Elinor. Une famille très bien. Si vous étiez un amour, vous viendriez avec moi. »« Mais ma chère enfant, je ne connais pas ces gens. »« Bah, je vous présenterai comme l'ami de mon père. Ils seront enchantés. Y a-t-il quelqu'un, à Londres, qui ne soit pas ravi de connaître Phineas Wentworth ? Petite flatteuse. Et puis, ça nous permettra de nous retirer bientôt et nous aurons peut-être le temps d'aller ailleurs. Entendu, vous venez ?» Edith Fairfax s'enveloppa dans sa cape qui l'entoura de flammes, comme une sorcière montant au bûcher, pensa Jim. Wentworth se retourna pour lui lancer un clignement d'yeux, indulgent et moqueur. Toute la nuit, Jim rêva que May Smith, condamnée à être brûlée vive, montait sur le bûcher en robe blanche, ceinte d'une écharpe bleu ciel. Des flammes de crêpe georgette tango léchaient ses épaules. Ses yeux, tristement étonnés, regardaient Jim avec un reproche agonisant. Ses doigts, aux griffes rouge sang, se tordaient au milieu des étincelles. Sa bouche, étrangement maquillée, laissait échapper, avec un rire aigu, « Moi, je ne suis pas sentimental. » Et le chef constable Jonathan Smith, qui présidait à l'exécution, le torse droit, le doigt levé, déclarait « La sentimentalité est la source de tous les malheurs. » La sonnerie du téléphone le tira de son cauchemar. Éveillé en sursaut, il saisit le récepteur. Une voix inconnue résonna à son oreille. « Monsieur Joy, ici le bureau de Monsieur Wentworth. Plusieurs personnes à qui il avait donné rendez-vous se sont présentées en vain ce matin. Il n'est pas venu. Nous avons téléphoné chez lui, on ne répond pas. À son club, on nous informe qu'en dernier lieu, on l'avait vu avec vous. Peut-être pourriez-vous nous renseigner ?» 20 minutes plus tard, Jim était au Ritz et demandait d'urgence Miss Edith Fairfax. Le gérant le regarda d'un air indécis. « De la part de Monsieur Wentworth, » déclara Jim. Le gérant se décida à parler. « C'est que, voyez-vous, monsieur, il nous arrive une singulière histoire. Miss Edith Fairfax, qui a retenu son appartement d'avance, est arrivée hier et a dîné au restaurant avec Monsieur Wentworth. Parfaitement, j'y étais aussi. Eh bien, Miss Fairfax n'est pas revenue cette nuit à l'hôtel. » « Ça y est !» s'exclama intérieurement Jim. « Elle est enlevée. Sauveur, en route !» Il se tourna impétueusement vers le gérant, qui ajouta, encore plus troublé. « Ce n'est pas tout, monsieur. Il vient d'arriver une dame qui prétend que l'appartement est retenu à son nom pour aujourd'hui et que c'est elle qui, en réalité... » Jim suivit le regard du gérant. Au milieu du hall, entourée de malles et de valises de luxe, se tenait une jeune femme, grande, mince, aux cheveux noirs, en tenue de voyage, accompagnée d'une femme de chambre âgée. Elle était visiblement indignée et troublée. Une lumière soudaine se fit dans l'esprit de Jim. Sans écouter le gérant, il fit quelques pas vers la jeune femme et, s'inclinant, « Madame, « je suis un ami de Monsieur Wentworth. Vous êtes ?»« Je suis Miss Edith Fairfax. »